39. Un cheval de race. Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant. Le temps et l'amour l'ont marquée de leurs griffes et lui ont cruellement enseigné ce que chaque minute et chaque baiser emporte de jeunesse et de fraîcheur. Elle est vraiment laide. Elle est fourmi, araignée, si vous voulez, squelette même. Mais aussi, elle est breuvage, magistère, sorcellerie. En somme, elle est exquise. Le temps n'a pu rompre l'harmonie pétillante de sa démarche, ni l'élégance indestructible de son armature. L'amour n'a pas altéré la suavité de son haleine d'enfant. Et le temps n'a rien arraché de son abondante crinière, d'où s'exhale, en fauve parfum, toute la vitalité endiablée du midi français. Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, Toulouse, ville bénie du soleil, amoureuse et charmante. Le temps et l'amour l'ont vraiment mordu à belles dents. Ils n'ont rien diminué du charme vague, mais éternel, de sa poitrine garçonnière. Usé peut-être, mais non fatigué, et toujours héroïque, elle fait penser à ces chevaux de grande race que l'œil du véritable amateur reconnaît, même attelé à un carrosse de louage ou à un lourd chariot. Et puis, elle est si douce et si fervente. Elle aime, comme on aime en automne. On dirait que les approches de l'hiver allument dans son cœur un feu nouveau, et la servilité de sa tendresse n'a jamais rien de fatigant.